بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حياكم الله mes très chers frères et sœurs. Aujourd'hui, le mardi 19 Ramadan 1441 de l'Hégire, correspondant au 12 mai 2020. Donc bientôt, dans la troisième partie de ce mois de Ramadan, le dernier tiers de ce mois de Ramadan, dont la première nuit sera demain, Inch'Allah, la première des 10 nuits des 10 dernières nuits de Ramadan. C'est 10 dernières nuits dans lesquelles notre prophète, alayhi salatu wassalam, redoublait davantage d'efforts et dans lesquelles il veillait toute sa nuit et dans lesquelles il appelait sa famille également à redoubler d'efforts. Il les réveillait pour salat. Alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est les 10 dernières nuits, les 10 meilleures nuits dans toute l'année. C'est ces nuits-là, les nuits les plus bénies dans toute l'année. Et dans ces 10 dernières nuits se trouve une nuit dans laquelle l'œuvre est meilleur que 1000 nuits. C'est-à-dire celui qui fait une œuvre dans cette nuit, qui s'appelle Laylatul Qadr, la nuit du destin, ou la nuit qui a une grande valeur. Les deux significations sont possibles dans le terme arabe, et les deux sont citées par les hommes de science. Donc, dans cette nuit, celui qui fait une œuvre, c'est meilleur que si il avait fait cette œuvre pendant 1000 ans. À peu près 83 ans. Celui qui prie 2 rak'at aura une récompense que quelqu'un qui a prié ces 2 rak'at pendant 1000 nuits. Chaque nuit, il prie 2 rak'at, 1000 nuits, la récompense qu'aura celui-là n'arrivera pas à la récompense qu'aura celui qui aura pris ses 2 rak'at dans la nuit de l'Qadr. C'est pour ça, le croyant doué de bon sens ne doit pas rentrer dans des hypothèses et doit tout mettre en œuvre pour ne pas louper le mérite de cette nuit. Et c'est pour ça que Nabi Issa al-Salam, il veillait les 10 dernières nuits de la même façon. Comme ça, avec certitude, il aura le mérite de Laylatul Qadr. Contrairement à ceux qui font des efforts uniquement dans la nuit du 27. La nuit du 27, pour certains savants, c'est Laylatul Qadr. Mais l'avis le plus juste des hommes de science, qui est l'avis de Cheikh l'Islam Taymiyyah et d'autres savants, c'est que Laylatul Qadr, elle n'est pas chaque année dans la même nuit. Elle se déplace dans les 10 dernières nuits. Donc une année, ça peut être le 23, une année, ça peut être le 27, une année, ça peut être le 25, le 29, et ainsi de suite. Et il y a des hadiths authentiques comme quoi Laylatul Qadr, une année à l'époque du prophète Aïssa Salam, a eu lieu le 23. Et des hadiths authentiques le 25. Et ainsi de suite. C'est pour ça que les savants, ils ont dit Laylatul Qadr, elle n'est pas uniquement dans une nuit fixe chaque année. Elle se déplace dans les nuits. Et ça, c'est l'avis le plus juste. Et surtout, c'est l'avis le plus sûr. Car celui qui suit cet avis Bi-idnillah, il ne loupera jamais Laylat al-Qadr toute sa vie. Et qui fait des efforts dans les 10 dernières nuits, il aura le mérite de Laylat al-Qadr toute sa vie, bi-idnillah. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. On a fini de parler de Ghazwat Badr al-Kubra, la grande bataille de Badr, dans laquelle Allah Azza wa Jal a fait triompher ses alliés et a vaincu ses ennemis. Et on a vu que les croyants, dirigés par notre prophète alayhi salatu wassalam dans cette bataille, ils ont tué la plupart des têtes de la mécréance de Mecca. Ils ont tué 70 hommes, dont 24 sont des dignitaires et des notables de Mecca. C'est pour ça que c'était un coup très dur pour Kuffar Quraysh. Et comme on a vu dans le cours précédent, ils n'ont pas cru la nouvelle. Quand ils ont entendu que les croyants, les musulmans, ont vaincu l'armée de Quraysh et qu'ils ont tué la plupart de leurs têtes, ils n'ont pas cru la nouvelle dans un premier temps, mais après ils ont su que c'était la réalité, la mère réalité pour eux. Et ce qui était encore plus difficile pour eux, plus difficile même que la défaite, c'est que ils étaient forcés de ne pas montrer la tristesse pour les membres de leur famille et leurs amis et les notables de Quraysh qui ont été tués. Ils ne pouvaient même pas se soulager de cette manière en montrant cette tristesse, car ils ont dit, si on montre la tristesse, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons vont se réjouir de cela. Ça sera une réjouissance pour eux. C'est pour ça ils se sont mis d'accord de ne pas montrer la tristesse. Et vous savez que ça, c'est très très pénible. Car quand tu pleures un défunt, un proche qui décède, ça te soulage. Bien évidemment, tu le pleures de la manière autorisée. Les larmes qui coulent et une tristesse, ça c'est autorisé et c'est humain. Ça arrive à tout le monde et c'est arrivé même à notre noble prophète alayhi salatu wassalam quand il a perdu son fils Ibrahim alayhi salam. Ils l'ont vu pleurer, les sahaba se sont étonnés. Ils ont dit, même toi, ô messager d'Allah, tu pleures? Il a dit oui. إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. Il pleure, يعني les larmes coulent et le cœur est attristé et nous sommes certainement touchés pour ton décès, ô Ibrahim. Mais nous nous disons que ce que Allah agrée. Et en ne disant rien, et nous disant rien de ce qui met Allah subhanahu wa ta'ala en colère, ou de ce qui peut être la cause de son insatisfaction subhanahu wa ta'ala. Donc ça arrive à tout le monde, c'est humain, c'est naturel, et ça soulage. Et eux, parmi les choses par lesquelles Allah azza wa jal les a éprouvés, en plus de la mort de la plupart de leurs notables, 24 comme on a vu, ils étaient forcés de cacher leur tristesse et leur douleur et leur peine. Et ça, c'était très très difficile pour eux. Et parmi les expressions qu'ils ont dit, comme l'expression qu'a dit Umayr ibn Wahb, qui va devenir musulman par la suite, il a dit, quel goût à la vie après la mort de tous ces hommes? Ça sert à quoi de rester en vie après la mort de tous ces hommes, les notables de Quraysh et les dignitaires de Quraysh? Et ça, c'était un sentiment général. chez les Quraïchites. Et Quraïch et les Arabes de manière générale, avec l'éloquence qu'ils avaient, ils savaient que le prophète A.S.A.W., toute la connaissance qu'ils avaient du prophète A.S.A.W. avant l'islam, ils savaient que cet homme qui n'a jamais menti pendant sa vie, il va pas attendre d'arriver à l'âge de 40 ans où l'homme devient le plus mûr possible, il atteint le summum de devenir mûr. C'est pas arrivé à cet âge alors qu'il a jamais menti auparavant sur un être humain. Il va pas attendre d'arriver à 40 ans pour mentir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils savaient toutes ces choses, mais c'était l'orgueil, c'était les intérêts économiques et d'autres raisons qui les ont empêchés de le suivre. Mais ils savaient que c'était, qu'il était véridique et qu'il était le messager d'Allah alayhi salatu wa salam. C'est pour ça, la plupart des prisonniers dans la bataille de Badr sont entrés dans l'islam. La plupart des hommes qui ont été emprisonnés pendant la bataille de Badr, la plupart d'entre eux sont entrés dans l'islam. Et comme on va voir après la conquête de Mecca, où là, la quasi-totalité des Arabes sont entrés dans l'islam. Donc, avec cette victoire, la victoire dans la bataille de Badr, la position des musulmans dans leur nouvel état à Médine a changé parmi les autres tribus arabes et parmi les habitants de la péninsule arabique. Et les rapports de force ont changé avec cette victoire et la place qu'occupaient les musulmans a changé également. Et l'islam est devenu fort, les musulmans. L'islam, il est toujours fort. Mais quand on dit l'islam est devenu fort, ce qu'on veut, c'est que les musulmans. Mais la religion d'Allah, elle est toujours forte. Car c'est la vérité. Et car ça provient d'Allah. Et c'est pas parce que les musulmans ne la mettent pas en pratique qu'elle faiblit. Mais ce qui faiblit, c'est leur pratique. Donc ça peut être une précision dans les termes. En tout cas, les musulmans sont devenus une force. Et c'était une des causes principales de l'apparition de l'hypocrisie. Car avant, il n'y avait que deux clans. La foi pure et la mécréance pure. Et personne n'avait besoin d'hypocrisie, de nifaq. Car l'hypocrisie, c'est montrer l'inverse de ce qu'on cache. Montrer l'inverse de ce qu'on cache. Quelqu'un qui montre un bien et qui cache un mal. Et la grande hypocrisie, c'est montrer la foi et l'islam et cacher la grande mécréance. Et cette forme d'hypocrisie est apparue pour la première fois dans l'histoire de l'islam. Elle est apparue à Médine, après la domination des musulmans. Et après qu'il soit devenu une force, donc il y a des hommes qui ne voulaient pas l'islam, mais qui ont montré qu'ils étaient des musulmans uniquement pour protéger leurs intérêts ou pour pouvoir faire du mal aux musulmans sans être surveillés ou soupçonnés comme ils font partie des musulmans. Ensuite, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, nous dit que après cette victoire de la bataille de Badr, et une fois que le Nabi alayhi salatu wa salam a terminé le partage des butins et la délivrance des otages et des prisonniers de guerre, il est, après avoir passé 7 jours, après 7 jours de la fin de la bataille de Badr, il est sorti pour, dans une autre bataille, qui s'appelle la bataille de Banu Sulaym. La bataille de Banu Sulaym. Elle a eu lieu seulement 7 jours après la fin des événements de la bataille de Badr. Il est parti à cet endroit, alayhi salatu wassalam, qui se trouve dans une région qui s'appelle Al-Qudr. Il est resté sur place 3 jours. Il est resté 3 jours et il n'a pas eu de combat. Et ensuite, il est rentré à Médine. Il avait laissé comme successeur sur le Médina Siba ibn Urfuta radiyallahu anhu. Et ça a été dit, il a laissé Abdullah ibn Ummi Maktoum. Vous constatez qu'à chaque fois que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam quitte le Médina, il désigne un responsable, un successeur qui va, on dit un responsable qui va être responsable de le Médina. Car les gens ont besoin d'un gouverneur et ont besoin de quelqu'un, de quelqu'un qui commande et qui, vers lequel ils reviennent. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il a quitté le Médina, il a désigné un de ses compagnons comme responsable sur le Médina. Et après son retour de Banu Sulaym, sans avoir eu de combat, il est rentré à Médine et il est resté, il a passé les jours qui restaient du mois de Shawwal et tout le mois de Dhul-Qa'da. Et dans le mois de Dhul-Hijja, le mois de Dhul-Hijja, Abu Sufyan avait fait un vœu. Il avait fait un vœu et comme quoi il n'allait pas se laver de l'état de l'impureté, de l'janaba. Donc vous voyez qu'il connaissait Ghusl al-Janaba. Il a fait un vœu qu'il n'allait pas se laver de l'état de l'janaba jusqu'à se venger de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Il est resté jusqu'au mois de Dhul-Hijja. Et pendant ce mois, Abu Sufyan, afin de tenir sa parole, il est sorti avec 200 hommes, tous avec leur monture. Tous avec leur monture. Donc ils étaient 200 hommes. Bien évidemment, Abu Sufyan, après la mort de tous ces notables de Mecca, c'était lui le grand de Mecca et le maître de Mecca. Surtout après la mort de Abu Jahl et de Utba ibn Rabi'a et de Shayba ibn Rabi'a et de Uqba ibn Abi Mu'ayt et ainsi de suite. Umayya ibn Khalaf, ses maîtres de Mecca et ses imams de la mécréance également. Après leur mort, c'était lui l'exclusif chef de Mecca. Et donc, il a fait ce vœu-là, et pour le tenir, il est sorti dans le mois de Dhul-Hijja avec 200 hommes, chacun à sa monture, et ils sont venus jusqu'à un endroit qui s'appelle Uraïd. C'est un endroit très proche de Médine, dans lequel ils ont passé Yani, ils sont arrivés jusqu'à cet endroit, et ensuite, il a passé une nuit chez les juifs de Banu Nadir. Les juifs de Banu Nadir. Si vous rappelez, on a dit que dans le Medina, il y avait trois tribus juives. Il y avait Banu Nadir, il y avait Banu Qurayza et Banu Qaynuqa. Donc, il est venu jusqu'à cette tribu de Banu Nadir et il a voulu passer la nuit chez eux. Au début, il est parti chez un de leurs têtes, le maître de Banu Nadir, qui s'appelle Huyay ibn Akhtab. Huyay ibn Akhtab, c'est le père de Safiya, radiyallahu anha, épouse du prophète, alayhi salatu wassalam. Safiya bint Huyay ibn Akhtab. Mais Huyay ibn Akhtab a refusé de lui ouvrir la porte et de l'accueillir. Il a eu peur. Parce que les juifs, les trois tribus juives avaient des pactes avec les muslimines dans le Médina. Et parmi les clauses de ce pacte, c'est de ne pas accueillir les ennemis du prophète alayhi salatu wassalam parmi Quraysh. Et donc, Huyay ibn Akhtab a eu peur et n'a pas accueilli Abu Sufyan. Ensuite, Abu Sufyan est parti chez un autre maître de Banu Nadir qui s'appelle Sallam ibn Mishkam. Et lui, il lui a ouvert et il l'a accueilli avec ses hommes et il leur a donné à manger et à boire et il leur a dévoilé quelques-uns des secrets du prophète alayhi salam et des muslimines. Il leur a donné des infos précieuses sur le muslimine. Et vous voyez que ces gens-là, ils n'ont aucun pacte. Et ils ne respectent aucun pacte. Et ça, on va le voir avec les trois tribus juives. Toutes, elles vont trahir les pactes qu'elles avaient avec les muslimines. Et à la matinée, Abu Sufyan est sorti avec ses hommes et ils sont passés par un terrain dans lequel il y avait beaucoup de palmiers. Et ils les ont coupés. Ils ont coupé tous ces palmiers-là. Donc ils ont détruit ces palmiers-là. Et en plus, ils ont croisé un homme qui travaillait dans son champ avec un autre qui l'aidait parmi les Médinois. Ils les ont vus travailler dans ce champ et ils les ont tués tous les deux. Et ensuite, ils ont pris la fuite et ils sont partis. Le Nabi alayhi salatu wassalam a été informé de ce qu'a fait Abu Sufyan. Et il est sorti dans sa poursuite jusqu'à ce qu'il est arrivé à un endroit qui s'appelle Qarqaratul Qudr. Il est arrivé à un endroit qui s'appelle Qarqaratul Qudr. Donc c'est un endroit entre lequel et Médine il y a 8 burud, l'unité de distance qu'on a vue précédemment. Donc il y a une petite distance, ils ont fait cette distance jusqu'à arriver à cet endroit et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu que Abu Sufyan s'est échappé et il a pris la fuite et il s'est éloigné beaucoup au point où c'était pas possible de le rattraper, lui et ses hommes. Et ils ont trouvé, Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ils ont trouvé beaucoup de sawiq. Sawiq, c'est une nourriture qu'avaient les hommes de Abu Sufyan avec eux. Et sawiq, c'est une farine d'orge. À la base, c'est fait à base de farine d'orge. Il y en a qui font sawiq en mélangeant avec la farine d'orge de la farine de blé. Mais il y en a qui le font uniquement avec la farine d'orge. Et c'était ça le plus courant à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Et à cette farine, il rajoutait un peu d'eau chaude et une matière grasse, des lipides, de l'huile ou quelque chose comme ça. Il y en a qui rajoutent du miel avec. En tout cas, ça, c'était une nourriture très très connue à l'époque et c'est toujours connu ici, fil Medina. Maintenant, il la varie encore plus, il rajoute d'autres éléments. Mais à l'époque du prophète, alayhi sallam, c'était très simple, comme ce que j'ai dit. Donc, Abu Sufyan et ses hommes avaient avec eux de cette nourriture et ils l'ont jetée au fur et à mesure pour s'alléger et pour pouvoir échapper au prophète, alayhi sallam, pour alléger leur monture et pour pouvoir prendre la fuite plus facilement. Et les musulmans ont trouvé cette nourriture jetée par terre au fur et à mesure. Donc ça, c'est une autre bataille qui s'est appelée la bataille de Sawiq, justement à cause de cette nourriture qui a été trouvée. Et elle a eu lieu dans le mois de Dhul-Hijjah. Et dans cette bataille, les compagnons qui sont sortis avec le prophète, alayhi sallam, ils n'ont pas eu de combat, comme on l'a vu. C'est pour ça qu'ils ont dit au messager d'Allah, alayhi sallam, ils lui ont posé la question, ils lui ont dit, est-ce que t'espères pour nous la récompense d'une bataille dans le sentier d'Allah, malgré qu'on n'a pas eu de combat? Il a dit oui. Il a dit oui. Ensuite, le Nabi alayhi salatu wa salam, Sawiq a eu lieu dans le Hijjah, après Muharram, Safar, Rabi al-Awwal. Deux mois plus tard, aura lieu une autre bataille qui s'appelle la bataille de Dhi Amar. Dans laquelle est sorti le Nabi alayhi salatu wa salam avec 450 hommes. Ils sont sortis le 12 Rabi al-Awwal de l'année 3 de l'Hégire. Et le Nabi alayhi salatu wa salam est sorti parce qu'il a entendu que la tribu de Ghatafan, c'est une tribu qui se trouve dans la région de Najd. C'est une des plus grandes tribus arabes. Najd d'aujourd'hui, c'est la région de Riyad, tout ça. Donc, le Nabi alayhi salatu wa salam a entendu que cette grande tribu arabe, la tribu de Ghatafan, qu'elle complotait quelque chose contre les musulmans. Et le Nabi alayhi salatu wa salam est sorti avec 450 hommes et il a désigné Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, comme responsable de Medina pendant son absence. Et il est arrivé là-bas dans le mois Safar. Il est arrivé là-bas dans le mois Safar. Et il l'a passé entièrement sur place. Donc il est resté un mois là-bas. Et il n'a pas eu de combat non plus. Al-Waqidi a cité une histoire qui a eu lieu dans cette sortie du prophète alayhi salatu wassalam. C'est que un homme, je vais vous la citer d'une manière concise, et on va la voir à sa vraie place. Car c'est pas juste que cette histoire a eu lieu ici. Et il a cité des détails également qui ne sont pas justes. Mais ce qui est juste, c'est ce qui est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, que nous allons voir dans la bataille de Dhat al-Riqa'. Cet homme, il serait venu pendant que le prophète alayhi salatu wassalam se reposait, et il a pris l'épée du prophète alayhi salatu wassalam, c'est un mécréant, et il a pris l'épée du prophète alayhi salatu wassalam, et il l'a pointée contre lui, il lui a dit, Et le Nabi Islam s'est réveillé, il l'a vu, il lui a dit, qui te sauvera de moi? Le Nabi Islam a dit, Allah. Et son épée est tombée. Et le Nabi Islam a pris l'épée. Et c'était lui maintenant qui était en position de force. Il lui a dit, et toi, qui te sauvera de moi maintenant? L'homme a dit, personne. Mais cette histoire, on va la voir dans les détails, dans la bataille de Dhat al-Riqa, parce que c'est pas ici qu'elle a eu lieu. Ensuite, Al-Nabi alayhi salatu wa salam est sorti dans une autre bataille, dans le mois Rabi' al-Akhir. Donc Rabi', le deuxième mois Rabi', dit Amar, à Ghatafan, c'était Rabi' al-Awwal. Ici, c'est Rabi' al-Thani. Al-Nabi alayhi salatu wa salam est sorti dans cette bataille qui s'appelle la bataille de Bahran. Il est sorti en visant Quraysh. En visant Quraysh. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à un endroit qui s'appelle Bahran. Et il a désigné comme responsable de Medina pendant son absence Abdullah ibn Ummi Maktoum. Et quand il est arrivé à Bahran, une région dans la péninsule arabique, sur la route vers Mecca, il a fait demi-tour et il n'a pas combattu. Il a passé dans cet endroit un mois également. Il a passé un mois. Afwan, il a passé deux mois. Le mois de Rabi' al-Thani dans lequel il est parti, également tout le mois de Jumad al-Oula. Tout le mois de Jumad al-Oula. Donc il a passé plus d'un mois, presque deux mois dans cette région, et ensuite il est revenu vers le Medina. Ibn Sa'd, rahimahullah, a dit que cette bataille dans cette bataille, le Nabi alayhi salatu wa salam a désigné Abdullah ibn Ummi Maktoum comme responsable de Medina. Il est resté à peu près deux mois et ensuite il est revenu sans combat. Et là, après l'imam ibn Kathir, il a cité une bataille très importante également, mais c'est pas dans l'importance des batailles qui ont eu lieu contre Kuffar Quraysh. Parce que si vous allez le constater, Inch'Allah, c'est que les batailles contre Quraysh, elles étaient décisives et importantes, parce que c'est tous les Arabes qui sont visés. Mais comme cette bataille qu'on va voir maintenant, ça vise un seul peuple, une seule tribu, c'est la tribu juive de Banu Qaynuqa. Et les savants dans cette bataille, la bataille de Banu Qaynuqa, une des trois tribus juives de Medina, ils ont cité trois points comme les choses qui ont provoqué cette bataille. On a vu que Nabi Isa Salam, il était dans un pacte de paix et d'alliance avec toutes les tribus juives de Medina. Et ils avaient des droits, ils avaient des devoirs vis-à-vis de cette ville dans laquelle ils habitent tous. Et parmi leurs devoirs, c'est la protection de Medina et de ne pas aider quelqu'un contre le Nabi alayhi salatu wa salam. Donc ils ont signé ce pacte avec le Nabi alayhi salatu wa salam, mais malgré ça, yani, la trahison, c'est dans leur sang. Donc les savants ont cité trois causes qui ont préparé cette bataille et qui ont provoqué cette bataille. Il y en a qui étaient des causes directes et d'autres, ça a contribué un petit peu, mais ce n'était pas une cause directe. La première chose qu'ils ont citée, c'est que les Juifs de Medina, après la victoire de Nabi alayhi salam dans la bataille de Badr, ils avaient la jalousie et ils étaient en colère contre les musulmans. Et ça, ça se manifeste dans un hadith qui a été jugé bon par Al-Hafidh ibn Hajar, rapporté dans Sunan Abi Dawud, rahimahullah. Al-Nabi alayhi salatu wa salam, après son retour de Badr, il y a eu un marché des juifs, et Nabi alayhi salatu wa salam s'est rendu chez eux, et il leur a dit, entrez dans l'islam, avant d'être touchés par la même chose par laquelle ont été touchés Quraysh. Entrez dans l'islam. Il leur a proposé l'islam. Il les a invités à l'islam. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ne sois pas leurré par le fait que tu as pu vaincre des hommes inexpérimentés dans les guerres et qui ne savent pas combattre. Si jamais tu arrives à nous combattre, tu sauras qui sont les vrais hommes et tu verras tout ce qui t'arrivera de notre part. Donc ça, c'est le premier point qui a été cité par les savants par rapport à cette bataille. Le deuxième point qui a été cité, et là effectivement, c'est la cause principale. Ou plutôt, je vais la laisser en dernier, car c'est ça la cause principale et la cause directe qui a enclenché cette bataille. Donc la deuxième qu'on va citer, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Shas ibn Qais al-Qaynuqa'i, un juif de Banu Qaynuqa qui s'appelle Shas. Cet homme, un jour il est passé, il a vu les deux tribus de l'Aws et le Khazraj, qui étaient tout le temps, ces deux tribus, c'était la guerre permanente. Et subhanallah, il y avait des tribus juives qui soutenaient l'Aws, et d'autres tribus juives qui soutenaient le Khazraj. Et ça m'étonnerait pas que c'était des complots de leur part afin que la guerre continue entre les Arabes. Et cet homme qui avait l'habitude de voir les deux tribus dans des guerres permanentes, il est passé un jour, il les a vus ensemble, réunis dans une même assise, tous, et l'amour entre eux, et ça l'a déplu, et ça l'a mis en colère. Et il s'est rappelé comment ils étaient avant l'islam et comment ils sont devenus. Et ça, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran. Ils étaient ennemis dans le Jahiliya et Allah a fait de l'amour entre eux dans l'islam. Donc cet homme, il a envoyé un jeune juif, il lui a dit, va t'asseoir avec eux et fais-leur penser les guerres qu'ils avaient avant l'islam. La guerre de Bu'ath, entre autres, une de leurs dernières guerres et des guerres les plus meurtrières qu'ils ont connues. Il lui a dit, fais-leur penser ces guerres. Peut-être ça va leur rappeler ces choses-là, et que ça peut provoquer d'autres guerres entre eux. Et ça va au moins les diviser. Donc ça, c'est le deuxième point que les savants citent par rapport à cette bataille. Le troisième, c'est l'histoire d'une femme, d'une muslima, qui avait des choses à vendre, et elle est partie dans le marché de Banu Qaynuqa, le marché de cette tribu juive de Banu Qaynuqa. Elle est partie là-bas, et elle a vendu. Est-ce qu'elle avait des bijoux, ou elle a vendu des choses, ou elle voulait acheter des bijoux? En tout cas, elle a emmené des choses à vendre, et c'est pas précisé ce que c'était, et après, elle s'est assise chez un bijoutier de la tribu de Banu Qaynuqa. Les Juifs, ils sont toujours connus pour ça. Jusqu'à notre époque, c'est pareil. Même quand ils sont venus au Maroc de l'Andalousie, la plupart d'entre eux travaillaient dans l'or. Donc, cette femme était chez ce bijoutier et il lui a demandé de lui montrer son visage. Il lui a demandé de montrer son visage. La muslima, bien évidemment, a refusé. Et il a insisté, il a vu qu'il y avait pas moyen qu'elle lui montre son visage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'extrémité de son vêtement, il l'a attaché à un endroit. Il l'a attaché à un endroit de manière à quand elle s'est levée, radiallahu anha, ses parties intimes se sont dévoilées. Et donc il a commencé, lui, ainsi que d'autres juifs, ils ont commencé à rigoler et à se marrer de ce qui est arrivé à cette femme. Et cette femme a crié au secours. Elle a crié au secours. Et ils ont dit, elle disait, aidez-moi contre ces ennemis d'Allah. Et un musulman qui était présent sur le marché, est venu et il a frappé ce commerçant juif, il l'a tué. Et quand il l'a tué, les juifs sont venus sur ce musulman et ils l'ont tué également. Et tout ça est arrivé au prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est arrivé au prophète alayhi salatu wassalam. Et ainsi, ils ont trahi les pactes qu'il y avait entre eux et les musulmans. Et Banu Qaynuqa, c'est la première tribu juive qui a trahi le pacte avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, un nabi alayhi salatu wassalam les a encerclés et les a assiégés dans leur forteresse et ça a duré 15 jours. Pendant 15 jours, les musulmans les ont assiégés jusqu'à ce qu'ils étaient fatigués. Et ils ont accepté d'être jugés par le prophète alayhi salatu wassalam. Et ils ont exigé pour se rendre et se soumettre au jugement du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont exigé que rien ne soit touché de leurs biens, ni de leurs épouses, ni de leurs enfants. Et le Nabi alayhi salatu wassalam a accepté cette condition. Donc tous leurs biens vont rester à eux. Leurs femmes, leurs enfants. Ceux qui seront jugés, ce sont les hommes, les combattants. Ils étaient à peu près 700 combattants dans cette tribu. Le Nabi al-Islam a ordonné de les attacher tous. Ils les ont ligotés tous. Et c'est là où est intervenu Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, ce grand hypocrite qui est un allié de la tribu de Banu Qaynuqa. C'est un allié de la tribu de Banu Qaynuqa. Et il est venu demander au prophète alayhi salatu wassalam d'une manière dans laquelle il lui a fait beaucoup de mal. Il lui a dit, libère ces hommes au messager d'Allah. Parce que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul est entré dans l'islam en apparence, mais c'était le plus grand des hypocrites de la Médina. C'est parmi ceux qui sont entrés dans l'islam après la victoire des musulmans dans la bataille de Badr. Lui a dit, libère-moi mes alliés, car ils sont mes alliés. Libère-les. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu, et il a insisté tellement comme j'ai dit, il a fait du mal au prophète Aïssa Salam. Il a mis sa main dans sa poche, il l'a tiré. Il a tellement insisté que Nabi Aïssa Salam lui a dit, vas-y, prends-les. Il a ordonné à ce que les juifs de Banu Qaynuqa qu'ils soient évacués de l'Madina et qu'ils quittent l'Madina. Et effectivement, ils sont sortis de l'Madina. Et ça, ce que Nabi Aïssa Salam a fait, Allah Azza wa Jal le lui a autorisé contre un peuple, un peuple avec lequel il avait des pactes. Si jamais il appréhende la trahison de leur part, il lui était autorisé de dénoncer ce pacte qui le lie avec eux, s'il voit la trahison. Et c'est ce qui était le cas ici. Et ça, Allah Azza wa Jalla l'a dit dans sourate Al-Anfal, il a dit وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. Et si t'appréhendes quelque trahison de la part d'un peuple, alors dénonce ouvertement et loyalement le pacte qui vous lie, car Allah n'aime pas les traîtres. Et donc, Nabi Isa Salam a arrêté ce pacte qu'il y avait entre lui et Banu Qaynuqa, et avec la pression de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il a ordonné seulement qu'il soit évacué de l'Madina. Après ce blocus qui a duré 15 jours autour de leur forteresse et de leur château. Et les juifs, c'est toujours comme ça. Ils vivent dans des forteresses et dans des châteaux, ils vivent dans la peur partout qu'ils soient. Ubad ibn Samit radiyallahu anhu, lui également, il était allié avec Banu Qaynuqa. Mais quand ils ont trahi Allah et son messager, il a interrompu son alliance vis-à-vis d'eux et il s'est désavoué d'eux. Et Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous a décrit, Abu Jahl nous a décrit Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui a continué dans ce pacte, dans son pacte avec les Banu Qaynuqa. Il nous a décrit également Sa'd, Ubad ibn Samit radiyallahu anhu, qui a interrompu leur pacte quand ils ont trahi Allah et son messager, alayhi salatu wassalam. Parmi les derniers points importants qui ont eu lieu après la bataille de Badr et avant la bataille de Uhud, la deuxième grande bataille dans l'islam, qui a eu lieu un an après la bataille de Badr, dans le mois de Shawwal. Donc, parmi les événements très importants qui ont eu lieu, c'est l'ordre qu'a donné le prophète, alayhi salatu wassalam, de tuer Ka'b ibn al-Ashraf al-Yahoudi. Il a ordonné à ce qu'on tue cet homme juif qui s'appelle Ka'b ibn al-Ashraf. Dont la mère était de Banu Nadir. Sa mère était de Banu Nadir. Et son père, c'est un homme parmi les juifs de Tayyé, qui a eu des problèmes dans sa tribu. Il a émigré vers les juifs de Banu Nadir. Il s'est marié avec sa mère qui s'appelle Aqila bintu Abi al-Huqayq, un des notables de la tribu juive de Banu Nadir. Et cet homme faisait beaucoup de mal au prophète alayhi salatu wassalam. C'était un poète et il faisait beaucoup de poésie et de poèmes dans lesquels il faisait du mal au prophète alayhi salatu wassalam, et dans lesquels aussi il décrivait les croyantes, les femmes des croyants. Il décrivait leur beauté, les choses comme ça. Et ça faisait beaucoup de mal au prophète alayhi salatu wassalam ainsi qu'aux musulmans. Et en plus, après la bataille de Badr, cet homme est parti rendre visite aux mécréants de Quraysh à Mecca. Et il les a remontés contre le prophète, et contre les croyants. Et il les a incités à prendre leur vengeance des muslimines. Et Abu Sufyan lui avait posé la question. Quand il était chez eux, il lui a dit, je te demande par Allah, qui a une meilleure religion, nous ou Muhammad et ses compagnons? C'est laquelle des deux religions est plus aimée par Allah? La nôtre, le polythéisme, ou la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le monothéisme pur? Ce grand ennemi d'Allah a dit, vous êtes sur une meilleure guidée que lui. Vous êtes sur une meilleure guidée que lui. Alors qu'il sait très bien que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qui sont sur le haqq. Mais il leur a dit ça. C'est ce qu'Allah nous a décrit dans Sourate Nisa. Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab yu'minuna bil jibti wat-taghut wa yaquluna lil ladhina kafaru ha'ula yahda min alladhina amanu sabila. N'as-tu pas considéré comment ceux qui ont reçu une part du livre, les juifs, avec leur tête cet homme, Ka'b ibn al-Ashraf, qui ont reçu une part du livre, croient à la sorcellerie et aux fausses divinités, et disent des mécréants, les mécréants de Quraysh, ceux-là sont sur une meilleure guidée, sur un meilleur chemin, que ceux qui ont cru, le prophète et ses compagnons. Et à son retour à Medina, il a continué à faire de la poésie dans laquelle il insultait le prophète et dans laquelle il décrivait la beauté des femmes des muslimines également, jusqu'à ce que le Nabi a rendu licite son sang et a demandé à ce qu'on tue cet homme. Donc ça, c'est un ordre donné par le gouverneur des muslimines, le prophète alayhi salatu wa salam. C'est pas des choses que peuvent faire des individus. Donc le Nabi alayhi salatu wa salam a rendu licite son sang. Il a ordonné à ce qu'on le tue. Et ceux qui se sont proposés pour cette mission, ce sont des hommes parmi l'Ansar, de la tribu de l'Aous en particulier, à leur tête, Muhammad ibn Maslama, radiyallahu anhu, et Abbad ibn Bishr ibn Waqsh, et Abu Na'ila. Et son nom, c'est Silkan ibn Salama ibn Waqsh. Et c'était le frère d'allaitement de Ka'b ibn al-Ashraf. Abu Na'ila, c'est le frère d'allaitement de Ka'b ibn al-Ashraf. Et le quatrième, c'est le Harith ibn Aws ibn Mu'ad. Et il y en a qui citent un cinquième, qui est Abu Abs ibn Jabr. Et quand ils ont voulu faire cette mission, Muhammad ibn Maslama, radiyallahu anhu, avant de sortir dans cette mission, il est venu voir le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, au messager d'Allah, t'as demandé qu'on fasse ça et ça. D'accord. Mais autorise-nous à dire quelque chose de toi, c'est-à-dire quelque chose de mal, pour rassurer Ka'b ibn al-Ashraf et le mettre en confiance. Nabi alayhi salam l'aura autorisé. Il leur a dit, dites ce que vous voulez. Et dans une nuit, ils se sont rendus chez Ka'b ibn al-Ashraf, dans son château, et ils l'ont appelé. Et ils ont commencé à lui dire des choses du prophète, alayhi salatu wassalam. Parmi les choses qu'ils ont dit, ils ont dit que Muhammad nous a surchargé par les demandes. Il demande nos biens, et on doit lui donner l'argent, et on n'a plus rien à lui donner. Et lui, il leur a dit, vous allez être lassé de lui, vous allez voir. Et ils lui ont dit, on est venu pour que tu nous prêtes yani des choses pour lui donner. Et il voulait qu'il leur prête des dattes. Donc il voulait qu'il leur prête des dattes. Il leur a dit, Zama, pourquoi vous continuez à le suivre? Ils ont dit, on l'a suivi et on n'aimerait pas le délaisser maintenant jusqu'à voir ce qu'il va devenir. Donc, est-ce que tu acceptes de nous prêter, ils ont cité une quantité de dattes? Il a dit, j'accepte, mais à condition que vous me donnez un gage que vous allez me rembourser, comme une caution. Ils lui ont dit, d'accord, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je veux que vous me laissez en gage vos femmes, vos épouses. Ils ont dit, comment on peut te laisser nos épouses alors que t'es l'homme le plus beau de tous les Arabes? Et lui, il pensait des choses comme ça de lui. C'est pour ça qu'ils l'ont gonflé un peu. Ils ont dit, toi t'es l'homme le plus beau des Arabes, comment on va te laisser nos femmes? Il a dit, alors laissez-moi vos enfants. Ils lui ont dit, si on te laisse nos enfants pour une quantité de dattes, ça sera une insulte pour nous pendant toute notre vie, et même pour notre descendance. Mais on va te laisser en gage nos armes. Il a dit, d'accord, j'accepte. Et ils se sont donné rendez-vous. Il a dit, viens uniquement Abu Na'ila, qui est son frère d'allaitement, et Mohammed ibn Maslama, qui avait une grande relation avec lui. Il le considérait comme son frère. Il lui a dit, uniquement les deux viennent. Et il me ramène leur gage et je leur donne ce qu'ils veulent. Et ils sont venus cette nuit dans laquelle ils vont le tuer et ils l'ont appelé. Quand ils l'ont appelé, sa femme lui a dit, ne descends pas. J'entends une voix à travers laquelle je sens comme le son. Yani, mon cœur n'est pas apaisé. Il lui a dit, non, t'inquiète pas, c'est uniquement mon frère d'allaitement et puis mon frère Mohammed ibn Maslama. Et l'homme noble, quand il est appelé, il descend. Et il est descendu et il s'est parfumé avant de descendre. Et quand il est descendu, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu sens bon? Ils lui ont dit, est-ce que tu nous permets de sentir ta tête? Et Mohammed ibn Maslama, quand il est entré dans son château, il a fait rentrer les autres hommes et ils se sont cachés. Et ils ont mis un signe entre eux que quand ils vont lui tirer la tête vers le bas, ils viennent, ils se mettent tous sur lui, ils le tuent d'un coup. Et ils lui ont dit, on veut sentir ta tête, ça, tu sens tellement bon. Et lui, ça l'a flatté bien évidemment et il a dit, vas-y, allez-y, sentez cette bonne odeur. Et ils l'ont pris, à un moment ils ont baissé sa tête et les autres se sont mis sur lui et ils l'ont tué de cette manière. Et ils l'ont tous frappé, qu'ils l'ont tué en un coup au point où un sahabi parmi ceux qui étaient présents a été blessé par l'épée d'un autre sahabi. Et ils sont venus annoncer cette bonne nouvelle au prophète alayhi salatu wassalam. Et avant qu'ils sortent, Nabi alayhi salatu wassalam leur a fait dua. Il leur a dit, partez avec le nom d'Allah. Allah vous aidera dans votre mission. Allah vous aidera dans votre mission. Donc, ça c'est parmi les choses importantes qui ont eu lieu entre la bataille de Badr, la grande bataille de Badr, et la bataille de Uhud. C'est tout ce qu'a cité l'imam Ibn Kathir. Il y a d'autres savants qui citent le mariage du prophète alayhi salatu wassalam avec Hafsa radiyallahu anha, la fille de Umar ibn Khattab. Après la mort de son mari, qui s'appelait Khunais ibn Hudhafa al-Sahmi, et c'était un compagnon parmi les compagnons, quand il est décédé, Umar radiyallahu anhu est parti voir Uthman ibn Affan. Et lui a proposé d'épouser sa fille Hafsa. Et Uthman n'a rien dit, n'a pas répondu, ni d'accord, ni non. Il n'a rien dit. il a dit, je vais voir, je vais voir. Et Omar radiallahu anhu a dit qu'il l'a croisé par la suite, il lui a dit, alors, qu'est-ce que t'en penses? Il a dit, je pense ne pas me marier actuellement. Ne pas me remarier actuellement. Radiallahu anhu. Et ensuite, Omar est allé voir Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Uthman radiallahu anhu, parce que son épouse, Ruqayya, radiallahu anha, était décédée. Ensuite, il est parti voir Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Il lui a dit, je te propose d'épouser ma fille. Regardez comment les hommes pieux, ils cherchent des hommes pieux pour leur fille. Et c'est pas chouma ou la honte que tu proposes ta fille. Quand tu vois un homme qui a des qualités que t'aimerais pour ta fille, il n'y a aucun mal à aller le voir et à lui proposer ta fille et même à l'aider dans le mariage. Car c'est pour le bien de ta fille. Tu vois un homme qui a le bon comportement et qui a la religion et qui est attaché à ses 5 prières, un homme salih, pieux, il n'y a aucun mal à ce que tu lui proposes d'épouser sa fille, comme l'a fait Omar radiallahu anhu. Et Abu Bakr, quand il lui a proposé, lui, par contre, il a rien dit. Et Omar, il dit que ça lui a fait quelque chose plus que ce que lui a fait la réaction de Uthman. Parce que Uthman, au moins, il lui a dit, je vais réfléchir. Et après, il lui a dit, je ne pense pas me marier tout de suite. Mais Abu Bakr ne lui a rien dit du tout. Et il a dit qu'il a senti des choses vis-à-vis de Abu Bakr par rapport à ça, plus que par rapport à Uthman. Et ensuite, il a dit, il est passé quelques jours, ensuite c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a demandé à épouser ma fille Hafsa, radiallahu anha. Et par la suite, j'ai rencontré Abu Bakr, il lui a dit, peut-être que tu as eu quelque chose contre moi, tu as eu un mauvais ressentiment vis-à-vis de moi quand tu m'as proposé ta fille et que je t'ai rien dit. Omar lui a dit oui. Regardez, subhanallah. Sahaba, c'est pas des anges, radiallahu anhum. Mais c'est des hommes, comme on voit maintenant. Eux aussi, ils peuvent être touchés par des choses, mais c'est des hommes. Yani, ils disent les choses clairement. Quand il y a un problème avec ton frère, dis-lui. Yahri, tu m'as fait ça, tu m'as fait du mal avec ta parole. C'est pas tu la gardes en toi, et 5 ans plus tard, il renverse une goutte d'eau sur ton kamis, et tu t'exploses. C'est le cumul de 5 ans. Non, il faut pas cumuler pour tes frères et pour tes sœurs. S'il y a quelque chose, il faut la dire tout de suite. S'il y a quelque chose, il faut la dire tout de suite, et ne pas la laisser dans ton cœur, et ne pas être leurré par Shaitan. Qui te fait croire que tu pardonnes, mais en réalité, au fond de toi, tu pardonnes rien du tout. Ta haine ne fait qu'augmenter vis-à-vis de tes frères. S'il y a quelque chose, il faut la dire. Ton frère, c'est pas un ange. Ton frère, c'est pas une personne infaillible. Ton frère fait des erreurs. On parle pas de ceux qui sont mal intentionnés et qui ont des doubles visages et des choses comme ça. On parle des frères, alhamdoulilah, la plupart des gens, des muslimines, qui ont le bien et qui veulent le bien, mais personne n'est parfait. Il fait une erreur, un geste, il te manque de respect, du moment que c'est vis-à-vis de ta personne, si tu es capable de pardonner, ça c'est le degré supérieur. Et si tu peux pas, au moins va le voir et dis-lui, comme un homme, directement. C'est pas tu parles à toute la planète et lui il est le dernier qui est au courant. Ça se fait pas, Ikhwan. Ça c'est des qualités des mauvaises qualités que n'avaient même pas les gens de l'Jahiliya. C'était des hommes. C'est pour ça, comme j'ai dit à plusieurs fois, Allah les a choisis pour porter le dernier de ces messages. Et le plus important de ces messages. Parce que c'était des hommes qui respectaient leurs paroles, qui respectaient leurs engagements. C'étaient des hommes très généreux qui entretenaient leurs liens de parenté. Et des qualités de ce genre qui leur ont beaucoup servi dans l'islam. C'est pour ça que Nabi Al-Sallam, quand il a été interrogé, quel est le meilleur d'entre nous, au début il a commencé par Yaqub Al-Sallam, ses fils, et Ali Yusuf Al-Sallam, fils de prophète, fils de prophète, fils de prophète Ibrahim Al-Sallam. Ils ont dit, non, non, messager d'Allah, on te parle de nous, les Arabes. Qui est le meilleur d'entre nous? Il a dit, le meilleur d'entre vous avant l'islam, c'est le meilleur d'entre vous dans l'islam. Quand Allah lui donne la bonne compréhension de l'islam. Parce que ces hommes, ils avaient des qualités. Et l'islam est venu purifier tout le mal qu'ils avaient, que ce soit dans l'aqidah, que ce soit dans l'adoration, et a gardé le bien qu'ils avaient, et l'a renforcé, et l'a augmenté. Donc, il lui a dit, peut-être, t'as pensé, Ali, t'as eu un mauvais pressentiment vis-à-vis de moi à cause de cela. Il a dit oui. Il lui a dit, je ne t'ai pas répondu aussitôt, pour l'unique raison, c'est que un jour, j'étais chez le messager d'Allah, alayhi salam, et je l'ai entendu parler de Hafsa. Et je ne pouvais pas dévoiler le secret du messager d'Allah. Et je ne pouvais pas dire non, c'est lui qui est intéressé par elle. Je ne pouvais pas dévoiler le secret du messager d'Allah. Et il lui a dit, il ne l'aurait pas épousé, je l'aurais accepté. Et je l'aurais épousé. Radiallahu anhu. Également parmi les événements qui ont eu lieu entre les deux batailles, Badr et Uhud, c'est le mariage de Ali radiallahu anhu avec Fatima radiallahu anha. Ils se sont mariés, yani, entre cette période, dans cette période qui se trouve, dans cette année, qui se trouve entre la victoire de Badr et la bataille de Uhud. Voilà pour aujourd'hui. Demain, inshallah, nous allons commencer à parler de la bataille de Uhud avec la grâce d'Allah Azza wa Jal. Hada wallahu a'lam. Ou avant de finir, afwan, il y a une question d'un frère, il disait par rapport aux anges, na'am. Par rapport aux anges et leur participation dans la bataille, est-ce qu'ils avaient une apparence humaine? Na'am. Ils avaient une apparence humaine. Comme l'a décrit l'Abbas, un des anges, et comme ils ont décrit un autre ange qui s'appelle Haizoum, et de toute manière, c'est pas lié uniquement à cette bataille. À chaque fois que les compagnons ont vu Jibril alayhi salam, ils l'ont vu avec une apparence humaine, comme dans Hadith Jibril. Donc ils ne voyaient les anges qu'avec leur apparence, qu'avec une apparence humaine. Et souvent, Jibril alayhi salam, il venait avec l'apparence de Dihya al-Kalbi, radiyallahu anhu. Un arabe qui était extrêmement beau parmi les compagnons du prophète alayhi salam. Et également, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il les voyait avec une apparence humaine. Il n'y a que le prophète alayhi salam qui a vu Jibril comme Allah l'a créé. Il l'a vu deux fois. On a vu la première fois, c'est quand il a, yani dans, quand au début de la révélation, et la deuxième fois, c'était dans l'ascension vers le septième ciel. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.